À l'occasion de la journée de la brillante étoile, des cérémonies comme adoption du message, rassemblement, conférences, exposition de livres et de photos et séances de films ont eu lieu en Algérie, en Équateur, au Venezuela, en Tanzanie et en Angola. Dans les salles de cérémonie étaient exposées les photos montrant la vie sacrée et les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les photos des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un. Y étaient exhibées encore les œuvres classiques des grands hommes Baek-tosun, les livres et photos montrant les militaires et civils coréens qui créent l'âge d'or de l'édification d'une puissance socialiste. Aux séances de film, on a projeté les documentaires coréens comme « Pyongyang prospère ». Y ont pris part les personnalités des organisations politiques et sociales et établissements ainsi que les habitants des pays hôtes. À la cérémonie tenue en Algérie, on a adopté un message de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.